Je parlais aux jeunes femmes qui me ressemblaient quand même. Mmh. Je parlais de liberté, je parlais de féminisme, je parlais de corps, de sexualité, de désir, de colère, de révolte, de séduction, du regard des hommes sur soi. Je pense que c'est toutes des choses qui m'habitaient énormément à la fin de l'adolescence et qui ont vraiment forgé ma voix puis ce que j'avais à dire dans mes écrits ensuite. Ouais. Qui ont trouvé écho chez plein d'autres personnes, finalement. Sarah Maud, tu tiens un journal intime depuis longtemps. Quel âge t'avais quand t'as compris que ce que tu écrivais était non seulement bon, mais c'était même digne d'être publié? Mais en fait, il y a vraiment une différence à faire entre les journaux intimes que j'ai réellement dans la vie, qui sont complètement inintéressants. Ah! Et ton blog? Et mon blog, qui était Les Fourchettes, qui était une espèce de journal intime, entre guillemets, qui était public et qui était aussi travaillé. Édité. Ouais. Ben, édité très peu, là, c'était très, très, très spontané comme écriture, mais c'était romancé, exagéré. C'était de l'autofiction, mais qui était boosté un petit peu, si je peux me permettre. Là. Donc, mes vrais journaux intimes que j'écris encore à ce jour, depuis que j'ai à peu près 8 ans, c'est souvent la même chose. Des fois, je vais chercher des éléments de mon vécu. Évidemment, ah oui, à cet âge-là, j'étais rendue avec ce cœur brisé-là à cause de cette raison-là. Mais c'est comme une espèce de ligne du temps pour moi, mais c'est pas intéressant à lire. C'est pas littéraire. OK. Mais il y a quelque chose qui t'a donné quand même l'assurance que, ce que j'écris, c'est bon. C'était quoi? Je sais pas si je me suis dit ça en lien avec mes journaux intimes, mais c'est plus en lien avec le fait que je savais que je voulais écrire. J'écrivais tout le temps. Dès que je pouvais, au primaire, j'écrivais des histoires. J'essayais d'écrire, de m'impliquer dans des concours d'écriture. Je savais très tôt que c'est ça que j'aimais faire. Mmh. Puis ça, c'était assez pour te dire comme ça va intéresser les gens. Ben, mes parents, ils m'encourageaient beaucoup. Ils me trouvaient donc bien bonne. Mais j'ai été élevée en me faisant dire, comme plusieurs, à quel point je peux tout faire puis que je suis bonne par des parents bien intentionnés. Puis ça fonctionne parce que je me suis sentie valorisée puis confiante dans tout ce que j'entreprenais rapidement. Hmm. Quand on lit des extraits de ton blog, Les Fourchettes, ça c'est à peu près 2010 à 2019, on comprend à quel point tu étais... Mal dans ma peau. Moi, j'allais dire, c'est comme ça que tu l'as. Moi, j'allais dire carencée de grandes sensations, d'ivresse, à quel point tu voulais vivre des choses grandioses. Je voulais être amoureuse, avoir mal et tout raconter. Est-ce que ça veut dire que ta vie jusque-là est un petit peu comme ennuyeuse? Elle était ouatée. Ouais. Je dis souvent que ma vie était ouatée. J'ai eu des parents présents, aimants. J'étais proche de mes sœurs. J'avais un milieu. J'ai grandi dans un milieu très privilégié, ouvert, plein d'amour, plein de possibilités. Puis aussi, j'avais des parents qui étaient super ouverts de parler des émotions. Mon père, je l'ai vu pleurer plusieurs fois, souvent même. Ma mère était très à l'aise de parler des émotions, de les décortiquer. Donc, je pense que ça part de là, cette aise-là avec les sentiments, puis cette volonté-là de... Parce que c'est pas que je veux tant vivre des choses grandioses réellement, mais je veux extrapoler tout ce que je vis, puis je veux analyser tout ce que je vis, puis souvent, surtout à l'adolescence, les petits sentiments, les petites rencontres, les petits revirements dans ta vie deviennent épiques, puis c'est comme ce procédé-là que j'aimais beaucoup faire. Je trouve ça intéressant parce que tu as dit privilège. Puis je me demandais, tu as grandi donc à Granby. Quand est-ce que, puis comment tu as compris que finalement tu étais assez privilégiée? Assez ouatée, finalement. Trop tard, je pense, pour que ça soit raisonnable. Tu sais, j'ai grandi au primaire, secondaire, dans des écoles, au secondaire, dans une école privée, dans une communauté très hermétique. Donc, c'est plus quand j'ai commencé à ouvrir mes horizons par rapport à mon éducation féministe, par exemple, puis de m'intéresser à l'actualité, de me faire de sortir de mon cercle d'amis très, très... hermétique, justement, des cantons de l'Est, puis d'arriver à Montréal, puis de me faire d'autres amis, puis de lire de nouvelles choses, puis d'écouter de la nouvelle musique, puis d'être au contact d'une culture qui est plus diversifiée. Ça, c'est sûr que ça m'a ouvert les yeux, mais c'était comme un peu inaccessible, entre guillemets, dans une communauté aussi fermée. Oui, à Granby. Ouais. Loin de la grande ville, finalement. En même temps, Granby, c'est pas la campagne absolue. Non, mais mon Dieu, c'est... C'est homogène? C'est homogène. C'est homogène, OK. Alors, Cœur de Slush, premier tome d'une trilogie, ouais, a été publié il y a 10 ans, en 2014. Apparemment, il a été refusé par plein d'éditeurs. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on citait? Je me rappelle qu'on m'a dit que c'était parce que la prémisse de Cœur de Slush, c'est vraiment une jeune fille, moi, oui, qui veut faire l'amour pour la première fois. Oui. Et je me rappelle que c'est... comment il s'appelle? Il est décédé il y a 2 ans. India Desjardins, en fait. Michel Brûlé. Michel Brûlé m'avait répondu personnellement. Et je me rappelle de l'expression qui m'avait comme un peu... J'avais trouvé ça vraiment étrange. Il m'avait dit « Ça passerait jamais ici. On vit dans une société de moines. » J'étais comme « Ah! » Ça passerait, ouais, étonnant. Donc, parler de sexualité à l'adolescence, c'était il y a 10 ans. Tabou. Ben, en fait, il y a plus que 10 ans, parce que ça m'a pris des années à l'éditer, mais c'était tabou, c'était très inconfortable. Je pense que c'était aussi, selon beaucoup, beaucoup d'éditeurs qui étaient plus vieux, donc tu sais, le milieu de l'édition, c'est quand même pas le milieu le plus « fresh ». Donc, pour plusieurs éditeurs, c'était comme si ça n'existait pas la sexualité à l'adolescence. Okay. Il y avait la virginité, puis il y avait le sexe et la pornographie, mais la sexualité chez une jeune femme, okay, le désir assumé d'une jeune femme, ça rendait très, très, très inconfortable. Oh, en quelque sorte, tu défrichais un terrain. En même temps, moi, j'étais juste comme, mais je voulais faire l'amour dans ce temps-là. Je racontais ma quête. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que t'as compris? Ben évidemment, avec le recul, ça a été un best-seller, c'est devenu un film. Qu'est-ce que t'as compris, ça remonte des jeunes ou de la manière de leur parler pour que ça fonctionne autant? Puis je dis jeunes, c'est pas juste adolescents. Par la suite, il y a eu au lac d'amour, mais aussi jeunes adultes. Mais j'ai souvent été un peu inconfortable avec le fait de me faire étiqueter comme autrice jeunesse au début, parce que, tu sais, j'ai écrit Cœur de Slush, j'avais l'âge de mon personnage. Puis pour moi, c'était pas « Ah, j'écris pour nous, les jeunes », c'est « J'écris pour moi », tu sais. Ça a toujours été ça. C'est toujours parti d'un désir très nombriliste, là, de dire « Ah, moi, j'ai une question, puis j'aimerais ça la comprendre, donc je vais écrire là-dessus. » Donc, j'ai jamais écrit en me disant « J'écris pour les jeunes ». Donc, t'avais pas besoin d'adapter ton langage, peut-être? Ben, je trouve que c'est pas vrai qu'un jeune parle tant que ça différemment que toi puis moi, là. Mm. Tu sais, c'est un peu comme les prendre pour des épais, là. Ouais. Tu sais, j'ai toujours voulu les mettre sur le même pied d'égalité que moi parce que j'avais l'impression que je parlais à mes amis, que je parlais à mes sœurs, que je parlais. Donc, pour moi, c'était comme un peu, c'était pas la bonne façon de faire, de changer mon langage ou d'essayer d'être cool à leurs yeux. C'était juste de parler de ce que moi je ressentais. Puis je crois que c'est pour ça que ça a bien passé. Ouais, parce que t'étais ce que tu disais au début, transparente, authentique. Ouais. Est-ce que tu t'adresses aujourd'hui à ces mêmes personnes? Est-ce que ces gens-là ont grandi avec toi? Puis c'est les mêmes personnes qui sont là depuis 10 ans? J'ai vraiment une communauté loyale, ça c'est sûr. J'ai des gens, surtout des femmes évidemment, qui me suivent depuis le tout début. Je sais pas c'est quoi l'ampleur de tout ça aujourd'hui. Je sais pas qui est resté, qui est parti. Tu sais, c'est sûr que je me suis enlignée dans une voie plus intransigeante dans mes écrits en vieillissant. Peut-être que je suis un peu moins fleur bleue, peut-être que ça peut un peu déstabiliser certaines personnes, parfois par mes propos, par exemple sur le fait que je veux pas d'enfants ou des trucs comme ça. Fait que je sais pas si ça a changé, mais je sais qu'il y a une bonne grosse gang qui me suit depuis le début. Ouais. Ça me fascine toujours. T'sais, je reconnais leur nom et leur prénom parce que je les voyais sur Facebook il y a 10 ans. Là, ben, elles ont évolué avec absolument toi, on peut penser ça. Ouais. Comment tu es devenue féministe? Il y a plein de petits événements, mais c'est super niaiseux. Là, puis ça va être controversé ce que je vais dire, mais c'est quand Emma Watson a fait son discours à l'ONU sur l'égalité des sexes. C'est la première fois que j'entendais cette définition-là. OK, Emma Watson, qui est évidemment Hermione dans la série Harry Potter. Pourquoi c'est controversé? Mais c'est que la deuxième personne, c'était Taylor Swift. Elle est très polarisante. Donc, puis ça définit aussi mon féminisme comme étant mon premier contact au féminisme, ça a été un féminisme très blanc. Mm. Donc, et très privilégiée, parce que c'est deux femmes très privilégiées. Mais ça a été vraiment la mèche qui a allumé en premier. C'est la première fois qu'on mettait des mots très simples et pas confrontants sur c'est quoi être féministe. Fait que pour moi, ça a été vraiment mon espèce de grande porte. Puis après ça, ben c'est en y repensant que je me suis rendu compte que les femmes dans ma famille ont toujours été très féministes. Ma mère la première, ben, ma grand-mère la première, ma mère ensuite, sans jamais le nommer. Sans jamais dire je suis féministe. Exact. Ouais, juste par leurs actions puis leurs paroles peut-être? Plus par leurs actions. Okay. Ma grand-mère a eu 10 enfants sans être en couple. Donc, elle a été monoparentale de 10 enfants toute sa vie. Elle a toujours été une femme très libre, une femme qui travaillait, une femme qui avait un mode de vie très différent de la majorité des femmes de sa génération. Et tu l'as connue? Tu l'as fréquentée? Je l'ai connue. Okay. Elle est décédée quand j'avais à peu près 8 ans. Mais c'était une femme très étrange selon la communauté à Cowansville. Mais elle était étrange comme on trouvait étrange une sorcière un petit peu là, ouais. dans la définition de ce que c'est une sorcière. Ouais, ouais. Donc, je me suis rendu compte en me demandant comment ça, ben moi, c'est mon feu. C'est parce que je viens d'une lignée de femmes qui ont fait des gestes qui ont été des gestes féministes. Aujourd'hui, tu te fais porte-parole de la sororité. Tes amitiés féminines, donc, occupent une place très importante dans ta vie, mais t'as souvent dit que ça n'a pas été facile. Ben non. Est-ce que tu peux me parler de ce cheminement-là, de quand t'as commencé à dire... Hey, quand t'as arrêté de voir les autres femmes comme des rivales? Ça a été tard. C'est vraiment une grande tristesse, une grande... C'est vraiment fâchant quand je me rends compte à quel point j'ai perdu du temps à voir les autres femmes comme des rivales, puis... Tu sais, je me rassure souvent en me disant que c'est pas de ma faute, que c'est pas ancré dans ma personnalité. Tu sais, c'est vraiment ancré dans la société dans laquelle j'ai vécu. Mais tu sais, j'ai grandi dans les années 90, 2000, 2010, dans une époque où c'était les quatre fêtes, le crêpage de chignon, puis les femmes pouvaient pas être réellement des alliées. Il fallait qu'il y ait une compétition, une rivalité. C'était aussi le culte de la minceur dans les années 2000, le culte des icônes comme Britney Spears et Christina Aguilera. Des rivales. Ouais, donc, vrai. On accordait énormément d'importance à qui est la plus belle, qui est la plus talentueuse. Puis à l'école, je me rappelle que ça se transposait directement. C'est qui est la plus mince, qui mange le moins, qui est la plus drôle, la plus fine, qui pogne le plus avec les gars, qui a le plus d'argent pour s'acheter du linge chez Jacob Junior. Donc, c'est des détails, mais ça entretient puis ça alimente le concept que on peut pas tout briller. Puis ça a été vraiment quelque chose qui m'a... Miné? Oui, mais qui m'a aussi étrangement et malheureusement défini dans le sens que moi, je voulais être la plus belle puis la meilleure. Donc, moi, je me faisais dire que les autres femmes allaient être des obstacles. S'il y avait une fille belle à côté de moi... c'était que j'étais moins belle. Donc, fallait que tu la tasses. Exact. Ouais. J'ai fait de la gymnastique toute ma vie. Mais t'étais littéralement en compétition. Oui, exactement. Ouais. Donc, puis même quand je suis arrivée à Montréal, tu sais, c'était très valorisé d'haïr les filles. Tu sais, de dire que moi, je suis one of the boys. Moi, je m'entends mieux avec les gars. Moi, les filles, je trouve ça trop compliqué. L'espèce de plaisir... cruel d'haïr une fille, c'était comme valorisé. Puis t'as vraiment fait un 180 degrés. Ben c'est sûr que j'étais jamais à fond la caisse dans cette affaire-là parce que je suis une hypersensible, parce que je veux pas qu'on m'haïsse, je veux que tout le monde m'aime, je veux bien faire, je veux pas faire de peine. Donc c'était toujours un peu avec un instinct de comme il me semble que c'est pas correct, mais il me semble que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça a été vraiment de rencontrer mes amis. Ma gang d'amis d'aujourd'hui, qui sont toutes des artistes, des comédiennes. Ben oui, tu pourrais te retrouver exactement à la même place. C'est des comédiennes, ouais. Des réalisatrices, des gens qui écrivent des scénarios. Ouais. Mais on dirait que ça a fait le contraire. C'est comme si j'ai rencontré ces femmes-là, je les trouvais tellement talentueuses, tellement belles, tellement drôles. J'étais comme, hey, je pense que c'est un atout pour moi de côtoyer ces femmes-là plus que... un obstacle dans ma carrière à moi, dans ma beauté à moi. Puis, ce qui était beau, c'est qu'elles étaient dans le même état d'esprit. Puis, c'est la première fois que je me faisais célébrer pour qui j'étais. Puis, finalement, on se rend compte qu'on fait tout un peu la même chose, mais on est toutes tellement différentes. On a des atouts différents. Puis, on s'allie ensemble pour faire des choses. Puis, donc, Puis pour se donner de la confiance aussi, là, moi, j'ai commencé à me trouver belle à travers les yeux de mes amis, pas à travers aucun gars, tu sais. Puis là, je parle de beauté parce que ça a l'air un peu superficiel, mais quand t'as 22 ans puis que tu t'haïs, ben ça fait du bien qu'une amie te dise « Moi, je te trouve tellement belle, puis t'es tellement talentueuse. » Puis de se faire valoriser comme ça à travers les yeux des femmes que t'admires, je pense que c'est ça mon gros 180. Mmh. Je m'appelle Rebecca Maconnen, vous écoutez Acteurs de changement avec mon invitée Sarah Maude Beauchesne. Tu as intégré l'équipe d'auteurs de l'émission Le Chalet. Tu es l'idéatrice et la scénariste de l'Académie, idem pour Fourchette, dans lequel tu campes le rôle-titre. Tu es passée du web à la télé, d'un réseau à l'autre aussi. Comment tu es passée d'un projet à l'autre? C'était vraiment où j'étais rendue dans ma vie personnelle à chaque fois. OK. J'aurais pas pu faire Fourchette comme premier projet de scénarisation parce que j'avais aucune formation en scénarisation. Je savais même pas réellement qu'est-ce que ça faisait une scénariste. J'avais jamais parlé à une scénariste. On m'avait jamais expliqué c'était quoi ce métier-là. Mais je suis arrivée justement avec ma gang d'amis dont certaines étaient dans la première saison de la série Le Chalet. Puis elles sont allées voir leur productrice. Puis on dit on a une nouvelle amie. Puis on aimerait vraiment ça qu'elle nous écrive des épisodes. Tu parles de Sarah-Jeanne Labrosse puis de Julienne Côté. Sarah-Jeanne Labrosse, Julienne Côté, Catherine Brunet. Wow. Elles ont parlé de moi à la production du Chalet. Puis on dit elle écrit un blog. C'est notre amie, elle serait bonne. Puis finalement, passé go, Vicky Bounander m'a contactée, puis elle m'a engagée sur la deuxième saison avec aucune expérience. Moi, je suis arrivée à un meeting de début de saison, puis je savais même pas c'était quoi Final Draft. Là, ça, c'est le programme dans lequel que j'utilise à tous les jours de ma vie comme scénariste. Donc, ils ont vraiment pris une chance. Là. C'était un gros risque. Puis cette équipe-là m'a accompagnée, m'ont tenu la main dans cette quête-là. Je suis allée à l'école de la scénarisation avec Le Chalet. Là. Wow! J'ai pas répondu à ta question. Non, j'allais dire t'es chanceuse. Puis ensuite, comment t'es passée de ça à l'Académie? Je vais le scénariser toute seule. Merci, ça va? Je l'ai scénarisé. L'idée originale est la mienne, mais je l'ai scénarisée avec Annick Etier, qui était sur Le Chalet avec moi aussi, parce que j'étais pas assez expérimentée de toute façon. Donc, c'était un peu comme des étapes. Là, après Le Chalet, j'avais ma propre idée. C'était l'Académie. Je voulais créer cette école-là, une école féministe pour jeunes femmes. Mais après ça, de le concrétiser dans une série, je pouvais pas le faire toute seule encore. Fait que Yannick Etier est arrivé, m'a aidé pendant 3 saisons. M'a co-écrit avec moi pendant 3 saisons. Puis après ça, je me disais, je peux écrire sur moi, dans le fond, à l'âge que j'ai, dans la vingtaine. Mmh. Puis là, je veux l'écrire tout seul. Puis là, c'est devenu le projet de Fourchette, mais c'est aussi des concours de circonstances, c'est des opportunités, c'est des élans créatifs, pour Bellefleur, c'était un peu la même chose. En fait, c'était plus un élan qu'autre chose. C'était pas que j'avais besoin de travailler, j'avais besoin de travailler, mais c'était pas comme un besoin super concret. C'était pas du tout rationnel. C'était plus comme c'était moi puis mon chum qui a écrit la série avec moi, qu'on s'est dit, il y a un manque à quelque part, puis on va le faire. T'sais. Donc on a misé sur toi. T'as eu de la chance, on peut le dire, et la confiance aussi des... Oui, il y a beaucoup d'aveuglement, des naïveté. Tu penses? Mais quand même, tu sais, aujourd'hui, c'est mon métier, puis j'ai de l'expérience, puis je rush ma vie, je trouve ça très dur, mon travail. Puis on dirait que quand j'ai commencé Le Chalet, j'étais comme, je suis scénariste, moi, j'écris des épisodes, mais je savais pas partout qu'est-ce que je faisais. Qu'est-ce qui t'attendait, dans le fond? Est-ce que t'écris des choses, des fois, juste pour divertir, ou est-ce qu'il y a toujours un but de conscientiser puis d'éduquer les gens? C'est comme la même chose pour moi, dans le sens que écrire pour divertir, mon but, c'est de divertir avec un agenda. Je pense pas que je peux écrire juste... Je pense pas que je pourrais écrire juste comme une enquête policière, du pur divertissement. Je pense que j'aurais pas de plaisir puis je serais pas bonne. OK. Ce qui m'énergise, ce qui me passionne, ce qui me fait passer des heures devant mon ordinateur à me creuser la tête de comment je vais raconter ça, c'est parce que je sais que ça va avoir un impact, idéalement. Mais si c'est juste pour le fun, puis juste faire comment, il va y avoir des guns, puis le mystère va être résolu, ça ne m'intéresse pas. Là. OK. Tu viens de dire un mot fort, agenda. C'est quoi ton agenda, Sarah Maude? Il change, évolue. Là. Ouais. J'ai toujours un agenda féministe, évidemment. J'ai un agenda... Puis mon agenda féministe a évolué aussi, dans le sens qu'au début, c'était vraiment axé sur les femmes qui me ressemblaient parce que je connaissais pas autre chose. Après ça, j'essaie d'ouvrir mes horizons, j'essaie de m'améliorer. Après ça, j'essaie de m'ouvrir aux hommes parce que j'ai été en colère. Quand j'ai commencé à développer mon féminisme, il y a énormément de révoltes qui vient avant de trouver des solutions pour appliquer ces révoltes-là pour les concrétiser. Donc, la colère a pris énormément de place. Puis je mettais vraiment de côté volontairement les hommes. Je trouvais pas qu'il y avait de la place dans mes écrits. Puis après ça, je me suis rendu compte que je pouvais pas faire ça. Que ça, c'était pas constructif pour personne. Et moi, la première. Puis c'est là que j'ai commencé à me dire, comment je peux écrire, comment je peux être féministe, puis inclure encore plus de monde, puis inclure les hommes, parce que c'est important. on va y revenir à cette série. Sarah Maud, t'es une femme qui valorise son temps, ses amitiés féminines, son écriture, qui n'est pas certaine si elle veut des enfants ou même être en couple hétérosexuel. Ah bon! T'as déjà dit, une femme sans enfants, ça dérange. Ouais. J'ai envie d'être cette femme qui défie le consensus social. C'est quoi la valeur de déranger? On dirait que je vais être sûre de comprendre la question. Ça a l'air d'être important pour toi. Tu y accordes une importance, en fait. Ça, j'aurais pu dire ça comme ça. Oui, absolument. Il y a une importance dans le fait de déranger pour toi. T'as envie de déranger. Oui. OK. Déranger poliment. déranger avec... Je suis pas quelqu'un qui aime le conflit. Donc, je vais pas... Je vais jamais me mettre dans une position où je dois... trop débattre ou me mettre en danger ou me mettre dans une position très vulnérable. Je vais toujours un peu me lancer dans un environnement que je peux quand même contrôler, que je suis secure. Le sujet de la non-maternité, par exemple, je suis secure dedans parce que je le vis, je le réfléchis, je l'ai écrit. Mais déranger, pour moi, c'est un peu une première étape. C'est l'étape qui vient avant de se calmer, puis d'ouvrir un dialogue, puis trouver des solutions, puis trouver des nuances. Et pour moi, c'est comme un peu un électrochoc que je fais. C'est pour ça que quand j'ai commencé à parler de la non-maternité dans Fourchette, la saison 3, mon personnage se fait ligaturer les trompes parce qu'elle ne veut pas d'enfant. Puis c'est un gros geste, là. Bon. Ben justement, j'allais dire, ça s'est émissé dans Fourchette. On s'est déjà parlé de cet épisode-là parce que moi, j'avais été très impressionnée. C'est le premier épisode de la dernière et troisième saison. Ton personnage est dans le bureau du médecin avec son ami pour céduler une ligature des trompes. On écoute. Je suis obligée de vous demander une dernière fois. Vous êtes certaine de votre choix? Si j'étais un petit monsieur qui vous demandait une vasectomie sur le fly, là, est-ce que vous seriez en train de me répéter la même question pour la dixième fois? Peut-être que j'insisterai un peu moins, effectivement. Mais c'est parce que la vasectomie, elle, est réversible. Je veux juste m'assurer que vous faites le bon choix. Vous êtes tellement jeune. Vous pourriez changer d'idée. Je veux pas changer d'idée. C'était quoi ton intention avec cette scène-là? Justement, là, quand tu cherchais, là, comment je vais le dire? Ben, c'est sûr que c'était d'être bold, d'être audacieuse, puis de déranger, évidemment. Puis c'est fou parce que quand je pense à cette saison-là, puis cette écriture-là, puis ce tournage-là, je me rends compte que j'avais même pas réellement réfléchi à mon propre désir ou non de maternité. Mais comment est-ce possible? Je le faisais vraiment juste parce que j'avais jamais pensé à ça. Je me suis toujours dit j'aurais pas d'enfant, ça a toujours été mon discours. Mais je me suis rendu compte récemment en écrivant Faire la romance que j'y avais jamais réellement pensé. Avant d'écrire ce roman, cet essai-là. Mais donc, quand j'écrivais Fourchette saison 3, puis j'ai écrit cette scène-là, c'était vraiment purement pour dire, pour fâcher, pour faire bouger les choses, pour dire, hey, on existe, ça existe. On le voit pas souvent à la télé. On le voit pas souvent. Vous nous prenez pas au sérieux, vous nous niaisez, vous nous riez en pleine face, on n'existe pas. Mais c'était vraiment purement pour que ça existe. C'était moins personnel. Est-ce que tu as dû te battre pour garder cette scène-là à l'écran ou certaines scènes dans ta carrière? Non? Pas du tout. Pas du tout. Puis ça a toujours été vraiment exceptionnel comme collaboration avec Tout.tv puis l'équipe de femmes majoritairement pour ce projet-là avec qui j'ai collaboré à Radio-Canada. Puis c'était... Dès le premier pitch de la saison 1, j'ai dit, moi... Je vais parler de choses qui dérangent, puis il va y avoir des cunis, puis il va y avoir la sexualité, du désir féminin, il va avoir toutes sortes de choses. Puis on dirait qu'après ce pitch-là, dès qu'ils ont comme accepté le mandat, ils ont accepté le projet, Il était avec moi là-dedans. Ouais. Ces femmes-là avaient la même intention que moi. Mmh. Donc, j'ai proposé énormément de choses, puis il n'y a rien qui n'a pas passé. T'sais, je me rappelle, je pense que c'est saison 2 que la saison commence, que j'ai du sperme sur les seins, puis ouais. que je suis insatisfaite sexuellement, puis je remets le gars à sa place, puis jamais eu de discussion à propos de ça. Mmh. Penses-tu que c'est parce que c'était dans l'extra tout point TV et pas à la télévision générale? Dans l'extra. Ah oh, non! Non. C'était sur tout.tv. Je pense que je donne beaucoup de crédit à l'équipe, justement, ouais. qui était derrière moi. T'sais, elles étaient mes cheerleaders dans ces thématiques-là. Mm. Donc, il n'y avait rien qu'elles ne supportaient pas comme valeur dans ce que je proposais. Puis ça, je l'ai senti pendant 3 saisons. Alors, parlons de ton nouveau projet télé, la série Belle Fleur, qui est diffusée sur Crave cette fois, qui raconte la vie et l'amitié de 5 hommes. Tu l'as coécrite avec ton fiancé, Nicolas Morel, parce que pour plein de raisons. Vous aviez besoin de créer ces hommes-là pour vous donner de l'espoir, pour se voir représenter dans le cas de Nicolas, pour voir davantage de gars comme ça dans la vraie vie puis à l'écran. Est-ce que tu aurais pu écrire ces hommes-là sans l'aide de Nicolas? Je pense pas. Ben, je pense que ça aurait été un peu de faire aux autres ce que je veux pas me faire faire. C'est-à-dire, moi, ce qui me gosse, c'est des scénaristes gars puis des réalisateurs gars qui portent des récits féminins, parfois féministes. Sans nuance, un peu, peut-être? Ben, juste truffés de stéréotypes ouais. et de fantasmes projetés à travers leurs personnages. Donc, moi, je voulais pas faire la même chose. Ouais. Je voulais pas, moi, m'approprier cette thématique-là pour faire comme moi, je suis capable, tu sais, je le reproche aux hommes de le faire, donc okay. je vais pas le faire. Donc, qu'il y ait une écriture paritaire, pour moi, c'est important. Puis, oui, il y a beaucoup de fantasmes projetés de ma part dans les comportements des hommes dans la série, mais c'est nuancé par Nicolas qui fait comme, ça, c'est bien beau dans ta tête, là, puis t'aimerais bien ça que ça arrive, là, mais cette fois-ci, ça arrivera pas, puis ça va se passer de même, tu sais. Puis, ça, je crois que ça rend ces hommes-là pas utopiques. T'sais, c'est pas une masculinité utopique, selon moi, à cause de cette nuance-là ouais. qu'il y a entre Nicolas et parce moi. Parce qu'il est là pour un peu freiner tes ardeurs oui, et te ramener sur terre. C'est ouais. ça, exactement. Est-ce qu'on peut interpréter Bellefleur comme une main tendue aux hommes de ta part? Absolument. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais je le vois beaucoup dans, tu sais, souvent dans mes réseaux sociaux, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages. À tous les jours, je reçois une bonne dizaine de messages d'inconnus, puis il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, puis d'intimité dans ces échanges-là. Puis ça m'était jamais arrivé tant que ça qu'un père de famille, Mathieu de Laval, m'écrive pour me dire « Hey, j'ai écouté ça, j'ai été touchée. Je me reconnais dans ce gars-là, puis merci. » C'est vraiment ce projet-là qui m'a amené ce dialogue-là avec ces gars-là. C'est drôle parce que j'allais te demander qui sont les hommes qui ont regardé la première saison? Est-ce que ce sont les hommes qui sont dans la série, finalement? Est-ce que ce sont des hommes qui regardent ça pour se donner bonne conscience? Je pense pas que les gens font vraiment ça. Non? Vont se taper 10 épisodes pour se donner bonne conscience, je sais pas. Je trouverais ça déjà une belle intention. Forcé par leur amoureuse, mettons, ou leur sœur, ben, ou leur c'est mère. Sûr qu'il y a beaucoup de... J'écoute ça parce que avec mon chum, parce que ouais. je veux passer des messages. Ou... Je pense que c'est sûr que Nicolas et moi, puis notre milieu en général de artistique là, au Québec, on vit dans une chambre d'écho. Là. On se parle beaucoup à nous-mêmes, puis on crée beaucoup de choses qui vont plaire à notre chambre d'écho. Mais après ça, le défi, c'est de sortir de cette chambre d'écho-là. Donc, évidemment que le bassin qui va recevoir la première saison de Bellefleur en premier, c'est les hommes dans cette chambre d'écho-là. Ouais. Mais le but, c'est que ça fasse son chemin puis que ça vienne s'immiscer dans des foyers, des familles, des couples qui, d'emblée, n'auraient pas regardé une émission ouais. dite sur la masculinité saine. Ouais. Donc, tu as l'impression d'avoir atteint ta cible. Je pense que ça va être quelque chose... Ça vient de sortir, terme. Mais ouais. ça va être peut-être plus du long terme. Puis j'ose espérer que ça va voyager. Dans le communiqué qui annonçait le tournage de cette série-là, le terme « masculinité positive » a été utilisé. Puis dans pas mal tous les papiers puis les articles qui précédaient la diffusion. Mais pendant la promo, il y a 2 des vedettes de la série, Guillaume Lorrain et Guillaume Cyr, pour les nommer. Je ne sais pas s'ils semblaient remettre en... question ce terme-là. Ils ont proposé autre chose en entrevue. Moi, j'étais autour de la table quand j'ai entendu Guillaume Lorrain dire santé masculine, je préfère ça. Comment tu l'as vécu? Je pense que c'est pas tout le monde, surtout quand t'es comédien, qui a envie de porter une thématique de politiser ses rôles et d'être engagé dans les moindres thématiques d'un projet. Ça, je le respecte. Puis je pense que notre gang de boys, ce qui était beau, c'est qu'on a casté des comédiens qui étaient les deux pieds dans les valeurs de nos personnages puis de notre série. Il n'y avait pas de doute, là. Il n'y a aucun doute. Puis c'est une fierté qu'on s'en est rendu compte durant le tournage, à quel point les conversations fusaient, les partages, le grain de sel de l'un. C'était vraiment beau à voir. Puis même à l'heure du lunch, on continuait de parler de ça. Donc, je pense que c'est aussi des hommes pour qui c'est confrontant de se rendre compte que le modèle de masculinité qu'ils portent et qu'ils ont vécu à travers leurs pères, leurs amis, n'est pas le seul. Puis il est moins beau ailleurs, puis il est moins façonné ailleurs, il est moins ouvert ailleurs. Donc je pense que c'est quand même un choc de se rendre compte que même si un tel a eu une belle enfance avec un père super présent, super ouvert, avec une masculinité super saine, c'est quand même... C'est rough de dire comme « Ah, ben c'est pas comme ça partout ailleurs, puis ça fait peur. » Puis donc, c'est sûr que moi, je me grimpe d'un rideau. Je suis habituée de me révolter publiquement. Je suis habituée de dire des choses qui sont plus audacieuses, plus confrontantes publiquement. C'est ma job. J'ai choisi cette affaire-là. Pour des comédiens qui, déjà, font un travail immense de porter ces personnages-là, de les assumer, de les jouer avec nuance, je me dis, bon, après ça, c'est normal de contourner l'aspect politique et social en entrevue, parce que des entrevues, c'est très rarement des entrevues de fond. Premièrement, c'est du clickbait. Le terme masculinité saine et masculinité toxique et masculinité positive, ça fait des beaux titres. Tu cliques dessus. Donc, tu sais, nous, dans la série Bellefleur, oui, c'est ça notre chapeau méta, là, mais jamais on parle, on nomme ces masculinité. Ces mots-là sont jamais prononcés. Ouais, jamais, ouais. Tu sais. Ouais. Donc, je peux comprendre l'espèce de... C'est comme intimidant de devoir porter ça, de le dire à la radio. Tu sais, c'est pas la mission de tout le monde, c'est la mienne. Oui. Puis tu l'as pas vécu comme un désaveu. Non, c'est sûr que dans mon univers à moi, j'aurais aimé ça que tout le monde monte aux barricades avec moi, mais je commence à être habituée que je sois la plus intense du groupe. qui sont les hommes que tu admires, Sarah Maud? Il n'y en a pas beaucoup. Je trippe sur les femmes, là. C'est comme, c'est elles qui ont toute mon attention. Ton père? Oui! Docteur Christian Beauchamp. Oui, je l'adore, mais c'est mon père. Tu sais, c'est sûr, je l'aime, puis je l'admire, puis il a tellement fait des belles choses, puis il a tellement été... Mais c'est un homme imparfait aussi, puis on dirait que... Je trouve vraiment que les personnes que j'ai envie de lire, de consommer leur art, c'est des femmes, puis c'est des artistes queer, puis c'est ces personnes-là qui méritent ton attention et ta lumière. Pas qu'on mérite mon attention, mais tu sais, moi, je me suis fait une petite règle personnelle que je veux plus lire de livres d'hommes cisgenres blancs. Bon, c'est une petite règle personnelle. Ça, c'est accueilli comment? C'est ma propre règle, puis c'est pas... c'est moi qui me l'impose, ouais. Ça change rien, là, pour personne d'autre que moi. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, ça m'apporte un point de vue qui est... Tu sais, je me dis, j'ai passé mon primaire, mon secondaire, mon cégep, puis l'année d'université que j'ai faite à lire des œuvres d'hommes blancs. Ils l'ont eu, mon attention, ouais. Là. Ouais, t'as déjà dit que ta seule certitude, c'est qu'écrire te fait avancer. Ouais. Puis lire, ça t'apporte quoi? Lire juste des femmes? Ben, ça me fait encore plus avancer, parce que ça me sort de moi-même en plus. T'sais, c'est sûr qu'écrire, pour moi, ça part de mon nombril à chaque fois, parce que c'est mon moteur, c'est une émotion que je vis, une étape que je vis, une question que j'ai, puis après ça, ben, je l'extrapole, puis j'essaie de toucher le plus de monde possible, tandis que la lecture, ça me permet de vraiment me sortir de mon petit nombril puis d'essayer d'être une meilleure féministe, d'être une meilleure amie, d'être une meilleure femme, d'être une meilleure toute, tu sais. Vous écoutez Acteurs de changement avec Sarah Maud Beauchesne. Je m'appelle Rebecca Maconnen. On est sur Ici Première. À l'automne 2023, Sarah Maud, tu as publié « Faire la romance » que tu as annoncé comme le texte le plus intime que tu as écrit jusqu'ici. Je vais te citer un passage très tôt. Très, très tôt, à la page 17. « Plus j'essaie de prendre une décision, plus je me rends compte que cette réflexion face à la maternité influence tout ce qui m'entoure, tout ce qui me définit, ma relation avec mon corps, avec mes amis et ma sœur, avec ma mère, avec les hommes de ma vie, avec ma sexualité, avec mon anxiété, avec ma solitude, avec mon écriture. Est-ce que c'est encore le cas? Ça fait même pas un an. Ben oui, surtout que je suis quelqu'un qui aime honorer mes paroles. Tu sais, j'ai pas envie de juste lancer des choses dans l'univers puis pas les vivre. Fait que oui, tu sais, puis là, ça fait pas si longtemps. Fait que en ce moment, c'est normal que j'honore ce que j'ai dit ouais. et écrit. Mais tu sais, je fais des choix qui sont conséquents avec ce qui m'habite puis ce qui m'inspire. Puis oui, je pense que oui. Mais il faudrait m'en reparler dans 10 ans. Ben, en fait, je te pose la question parce que tantôt, tu as dit « Ah non, je le sais, j'en veux plus d'enfants. » Ah oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est que dans ce livre-là, c'est important pour moi de ne pas donner une réponse claire. Oui. Parce que premièrement, quand j'écrivais le livre, plus je l'écrivais, plus je te mêlais. Donc, c'était réel, là, cette ambiguïté-là, cette ambivalence-là était complètement réelle. Puis ça alimentait une espèce d'ambivalence qui était de plus en plus intense. Puis tu sais, j'ai terminé d'écrire ce livre-là il y a à peu près 1 an. Puis, ça fait du bien à un moment donné de se sortir de l'ambivalence. Puis, moi, en tout cas, ça me fait énormément de bien. Puis, j'ai recommencé récemment à dire que j'en voulais pas parce que ça me fait du bien. Après ça... Parce que ça te fait du bien ou parce que c'est vrai? Parce que c'est vrai en ce moment. Puis, ça me fait du bien de me sortir de cette incertitude qui m'a rongée puis qui m'a fait écrire ce livre-là puis qui m'a appris beaucoup sur moi, mais qui m'a aussi grugé beaucoup d'énergie. Puis c'était important pour moi qu'à la fin du livre, j'ai pas une réponse claire parce que j'avais pas envie que quelqu'un qui lit ça dans la totale vulnérabilité me prenne au mot. J'avais pas envie d'avoir cette influence-là sur quelqu'un. Parce que tu sais que ça serait possible. Je pense que ça serait possible parce que quand je me mets à la place de quelqu'un, quand moi je suis très vulnérable puis que je lis quelqu'un en qui j'ai confiance, je peux facilement être influencée. Malgré moi. As-tu un exemple? Mais je suis quand même très fan des gens, là. fait que j'aime vraiment... j'aime ça me laisser porter par l'opinion de quelqu'un en qui j'ai confiance. Quand je lis du Liz Plank ou quand je lui parle ou quand je lis du... Quand Mona Chollet dit que c'est bien d'habiter seule, exact. Tu regrettes peut-être ta décision d'avoir emménagé avec ton fiancé. Exact. Je comprends. Mais non, ça va bien. Là. On a vraiment beaucoup d'espace. Comment ce discours-là sur la parentalité et ton ambivalence est accueilli par ton fiancé qui a une fille? Et par ta sœur aussi, qui a un Mes enfant. Deux sœurs. Tes deux sœurs, oui, ont des enfants. Est-ce que c'est confrontant pour eux? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'avec Nicolas, ça a été très graduel. T'sais, je l'ai rencontré, j'étais dans ma phase « je veux pas d'enfant ». Puis après ça, ben ça, on a tergiversé parce que je me disais « oh mon Dieu, c'est pas vrai dans le fond que je vais pas faire... » C'est la première fois que je rencontrais un homme qui me faisait sentir en sécurité, puis je me disais « ah ben, c'est peut-être ça dans le fond, le désir d'avoir des enfants, c'est de faire quelque chose... » Quelqu'un avec quelqu'un qui te fait sentir bien. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions par rapport à ça. Ça a été un long chemin sinueux. Puis, j'ai toujours été très accompagnée par Nicolas là-dedans. Lui aussi se posait les mêmes questions que moi. C'est différent. Lui est déjà père. Donc, lui, il était comme, hey, si t'en veux pas, moi, j'ai la vie, ma paternité. Puis, si t'en veux, ben OK, il faut juste se réaligner. Donc, ça a toujours été un dialogue très ouvert. Puis, avec mes parents puis mes sœurs, ben, t'as même pas demandé mes parents, mes sœurs. Mais mes sœurs, on dirait qu'elles me connaissent assez pour savoir que je vais bien faire ce que je veux. Puis, ouais. Puis, comment tu vois ton propre rôle auprès de leurs enfants? Il change. Tu sais, ma sœur Andréane a eu un enfant il y a juste 1 an et demi, donc c'est quand même très nouveau, puis on était très fusionnels. Je pense que ça va faire évoluer notre relation, évidemment, parce que je suis plus sa personne préférée. je suis en deuxième place maintenant. C'est difficile à accepter, mais j'ai pas le choix. Mais, tu sais, c'est que c'est pas facile pour moi le contact avec les enfants parce que je me tanne vite. J'adore les adultes. Je suis bien avec les adultes. J'aime les discussions d'adultes. J'aime les activités d'adultes. J'aime J'aime l'affection entre adultes. J'aime la complicité entre adultes. C'est pour ça que mes amitiés féminines sont tellement importantes. Des enfants, c'est des adultes en devenir. Ben c'est ça. Des fois, je les trouve comme pas assez matures. C'est comme un apprentissage. Exact. Je suis pas patiente pour ça. Moi, j'aimerais ça qu'ils soient tout de suite super émotionnellement intelligents. Ouais. Mais ils le sont pas, les pauvres. C'est pas de leur faute. Fait que j'ai pas cette attirance vers m'occuper d'un enfant. C'est l'éducation d'un enfant, je comprends. Tandis que m'occuper de mes amis, j'adore. T'es pleine de contradictions, puis tu le sais, Sarah Maud. Tu sembles les assumer, en être bien consciente. Un extrait de l'essai que tu signes dans le recueil de textes qui a été dirigé par Sylvia Galipo, c'est « Je suis nouvellement fiancée, je suis très heureuse, mais ça va à l'encontre de tout ce que je m'étais donné comme vision de la vie à long terme. » On comprend que Nicolas, tu viens de le dire, c'est un homme qui ébranle toutes tes convictions. Est-ce que tu viens de dire « je suis conséquente », mais est-ce que tu es à l'aise avec le fait de, dans le fond, pas être conséquente sur ce plan-là? Je suis conséquente sur certains aspects de la chose. je suis conséquente sur le fait que je suis une grande romantique. OK. J'ai toujours écrit sur la romance, j'ai toujours valorisé beaucoup les histoires d'amour. Je suis chanceuse, j'ai vécu de belles histoires d'amour, pas parfaites évidemment, mais toujours très grandioses selon moi et selon mes paramètres. Ça me fait vraiment triper la romance romantique, là, l'amour romantique. Là. Puis pour moi, c'est conséquent avec mon espèce de vision de... C'est beau s'aimer, puis c'est beau trouver quelqu'un, puis c'est beau... C'est quelque chose que j'ai toujours valorisé. Mais c'est sûr que ça va à l'encontre de mes grandes tirades féministes d'indépendance et de... Mais en même temps, j'ai tellement eu de relations avec des hommes qui brimaient mon indépendance, puis je restais là. Puis là, maintenant, je suis tellement libre. Tu sais, j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui valorise ma liberté, qui en est fier, puis que ce n'est pas un enjeu pour lui que je sois libre autant, puis que je me pose des questions. Puis des fois j'ai des discours, puis ça pourrait être confrontant pour mon partenaire, mais il est comme, c'est toi, puis ça fait partie de toi. Donc je me sens très, très libre. Je pourrais jamais être avec quelqu'un qui brime ma liberté. Puis là, j'ai trouvé quelqu'un qui valorise beaucoup cet aspect de ma personnalité. Mais est-ce que tu as l'impression que ça dilue ton message? Je pense pas, parce que ça serait comme dire qu'il faut pas être en amour dans la vie. Faut pas être heureuse. Parce que le bonheur, oui, c'est pas être en couple, là, c'est être heureuse, point, mais ça me rend heureuse, cette histoire-là. Il y a personne qui te dit... ben là, on dirait que tu nous dis « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. » Ben non, parce que, après ça, les gens parlent dans mon dos, peut-être. Là. Je veux dire, Reddit est un lieu de révolte sans censure, mais... Je pense que je suis conséquente justement dans cette affaire-là. J'ai toujours été une romantique, j'ai toujours raconté des histoires d'amour. Puis en fait, mon message, ça a toujours été de accepte pas quelque chose que tu mérites pas, puis mets ta barre vraiment haute. Tu sais, j'ai reçu un message là il y a deux semaines d'une jeune femme qui me disait hey, j'ai laissé mon chum parce que je t'entendais me dire que ça avait pas d'allure ce que je vivais. Puis j'ai tellement pleuré, là. J'étais comme, c'est ça. T'as pleuré en lisant ce message-là? Ben oui, parce que je suis comme, c'est ça mon message, c'est de pas accepter d'avoir mal à cause d'un gars. C'est si jamais tu trouves quelqu'un qui te fait sentir tellement bien, puis tellement libre, puis tellement aimé, go, tu sais. Hey, c'est une énorme responsabilité. C'est exactement ce que tu disais tantôt. Quand tu parlais de faire la romance, puis tu voulais pas donner une réponse claire temps, parce que tu savais que les gens allaient dire « Sarah Maud dit pas faire des enfants. » Non, mais il y avait vraiment plus de nuances dans le message. Oui, oui. C'est plus le concept, là, mais c'était plus comme « Ah, je pense que je peux... » Avec mes écrits, j'ai instauré certains paramètres de base. Tu sais. Ouais. Qu'est-ce qu'on te... Tu parles de Reddit, là. Qu'est-ce qu'on te reproche le plus souvent? Ben, c'est des choses que je me reproche à moi-même aussi. T'sais, je sais que je suis très imparfaite dans mon travail, dans qui je suis, dans ce que je représente. Je sais que je me parle beaucoup à moi-même puis à ma chambre d'écho. Ça, c'est sûr, mais j'essaie d'en sortir le plus possible. Mais c'est dur de... C'est quand même dur de créer du changement dans mon métier rapidement. T'sais. C'est pas... C'est long écrire, c'est long mûrir une réflexion, c'est long faire une série télé, c'est même long intégrer des concepts dans un projet d'écriture parce qu'il y a tellement d'étapes, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire des concepts? Ben si mettons Mais juste par rapport à la fourchette, mettons, la, cette non-maternité-là, ah, oui. T'sais, c'est pas immédiat, c'est pas un post sur Instagram, c'est pas un article dans un média papier, c'est pas une entrevue. Mm. Ça peut prendre un an avant que ça soit partagé au public. Mm. Fait que même si j'essayais d'être conséquente avec ma volonté d'être toujours mieux dans mes messages, dans mon féminisme, dans mon ouverture, j'ai l'impression que le médium que j'ai choisi, il est très, très lent. Mm. Puis souvent, tu sais, Bellefleur, c'est sorti il y a quelques semaines, mais j'aurais d'autres choses à dire, tu sais. J'aurais ajusté des trucs, j'aurais ajouté de la nuance, j'aurais intensifié certains propos, des réactions, tu sais. C'est long. C'est comme tes réflexions sont plus rapides. Exact. Ton apprentissage est plus rapide. Exact. Que... Mais oui. En même temps, ça m'aide à les mûrir et à les façonner, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais je pense évidemment que ce qu'on me reproche et ce que je me reproche à moi, c'est d'avoir un féminisme qui n'est pas assez inclusif. Ça, oui, tu n'as pas sûr. Utilisé le mot intersectionnel encore. Ben, c'est aussi, tu sais, absolument, c'est ça que je dis, oui. Tu sais. Je veux dire, j'essaye, je fais des efforts, mais dans ma vie aussi, c'est ça, c'est dans ma vie personnelle aussi qu'il faut que je m'ouvre puis que je lise plus puis que, mais c'est long, tu sais, c'est long être parfaite. Alors, justement, à ce type, ben, à quel point t'es ouverte au dialogue, à te faire challenger, à changer d'idée sur tes principes? Je pense que je le suis sur certains aspects. S'il y a certains trucs dans ma vie que tu peux pas me faire changer d'idée. Si je pense à l'avortement, par exemple. Mm. Impossible que tu me fasses changer d'idée. Impossible que tu éteignes ma passion, que tu nuances ma passion par rapport à ce sujet-là, mon engagement par rapport à ce sujet-là. Mm. Impossible. Après ça, j'ai souvent dit, c'est impossible si, c'est impossible ça. Puis finalement, 5 ans plus tard, j'étais complètement de l'autre bord. T'sais. C'est pour ça que je suis une femme de contradiction. Ça me prend du temps. Ouais. Parce que souvent, je suis passionnée, puis là, je dis une affaire super intransigeante, là, puis là, je l'assume, puis c'est ça. Puis finalement, au fil des rencontres, des lectures, des moments dans ma vie, ben je veux dire, il y a plus de nuances dans mon propos, ça, c'est sûr. T'sais. Le meilleur exemple, c'est « Je veux pas d'enfant », puis 5 ans plus tard, c'est « Je sais plus », puis après ça, j'écris un livre là-dessus. Puis, donc, je sais que je suis cette personne-là, mais ça me prend du temps. Oui, parce que j'allais dire, tu sais que toi, tu fais ça. Tu challenges les gens, les téléspectateurs, les auditeurs, les gens qui lisent, qui ont lu ton blog, qui ont lu Elle Québec. Donc, est-ce que tu leur donnes autant de temps que tu veux qu'on t'accorde? Ben, en même temps, c'est pas ma responsabilité quand je lance ça dans l'univers. Tu sais, c'est après ça, tu fais ton travail, puis tu le prends comme tu veux, puis tu le lis ou tu le lis pas, tu le regardes pas, tu changes ou tu changes pas. Moi, ma responsabilité en tant que scénariste puis autrice, c'est de te montrer tes options puis de te dire moi je pense ça, j'y ai pensé, vois, tu sais, mais après ça j'accompagne pas chaque personne qui me lit pour savoir si sa mentalité a changé. Mon travail, c'est de le créer puis de le faire exister, puis le simple fait que mon propos existe dans l'espace public, ben ça veut peut-être dire quelque chose. C'est déjà beaucoup. On sait beaucoup de choses sur toi, Sarah Maud. On a vu ton corps nu souvent. Est-ce que tu regrettes certaines prises de vue, certaines prises de parole? Est-ce que des fois, tu regrettes d'avoir été trop généreuse ou trop transparente ou trop authentique? Non, pas du tout. Non. Par rapport à la nudité, c'est important pour moi qu'on voit des choses qu'on voit pas souvent. Puis avec Fourchette, ça a été beaucoup, beaucoup ça. Ça a été, tu sais, Girls, Elena Dunham l'a fait beaucoup, beaucoup avec sa série. Ça a été évidemment une inspiration. Puis c'était de montrer le corps des femmes autrement. Quand c'est sexualisé, mais quand c'est sexualisé à travers le regard d'une femme, c'est de la nudité qui sert pas toujours à être belle. Donc pour moi, c'était important le female gaze, entre guillemets, était très important pour moi. Puis je fais tout ce que je fais avec ce regard-là, donc on dirait que ça serait contre-productif de vouloir en enlever ou... Non, je pense que ça existe pour une raison. Puis cette nudité-là n'était pas pour moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais qu'il existe pour que ça existe, là. T'sais, pour qu'à la télévision, il y ait un cunnilingus, pour qu'à la télévision, il y ait... J'ai pas d'exemple, mais t'sais, pour moi, c'était très important, puis c'était un... À travers le female gaze, donc le regard structurant d'une femme, d'une scénariste, d'une réalisatrice. Est-ce que tu as envie de transcender l'autofiction? Tu veux dire de faire autre chose? On a commencé, tu disais, tout ça, ça part de mon nombril, de ma petite vie. Est-ce que des fois, on dirait presque des fois, t'es comme, éventuellement, je vais en sortir. Tu sais, on parle de belles fleurs, c'est ça aussi. Mais est-ce que t'as envie d'être, tu sais ça, de passer par-dessus, de passer à travers, de faire autre chose, éventuellement? Bien, il y a souvent la peur de plus être pertinente aussi, qui fait en sorte que je me dis, hey, les gens vont-tu être tannés de m'entendre parler, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a cette intention-là qui mijote puis qui est présente, mais je pense pas que je vais être capable de jamais partir d'une question que j'ai. Je pense que ça va être moins, ça peut être moins intime en vieillissant, mais ça va toujours être quelque chose qui m'habite réellement, sinon ça sera pas authentique. T'sais, je pense pas que je pourrais écrire encore une fois un polar qui se passe en Norvège. En Norvège, tu sais, j'aurais pas de fun. Tu sais, le fun pour moi, justement, vous l'avez dit, tu l'as dit en introduction. J'aime ça, les sentiments, c'est ça ma passion. Oui. Tu sais, donc je vais toujours partir de quelque chose, mais ça va peut-être être moins mon corps, mon cœur. Ça va peut-être ça va peut-être se calmer un petit peu, je sais pas. J'ai encore envie de dire les choses qui m'habitent, en fait, parce que c'est ma voix la plus authentique. Oui. C'est quoi la suite logique de faire la romance ou la suite logique de tes réflexions, Sarah Maud? Ben, il y a tellement de choses. On dirait que j'ai envie de parler encore beaucoup, beaucoup de la famille non choisie. De l'amitié, à quel point l'amitié peut être épique, mais on lui accorde tellement peu d'attention. Mm. J'ai l'impression que les liens d'amitié et les liens non biologiques peuvent être méritent tellement des grandes histoires d'amour, puis elles en ont pas, ils en ont pas. Ça m'habite beaucoup parce que je me dis, tu sais, moi, j'aurai pas d'enfants, j'habite en campagne, j'écris. Il faut que j'aie des amis, là. Faut pas m'abandonner, la gang. On est avec toi, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. C'est un honneur. Alors, on peut se procurer tous tes livres en librairie. Bellefleur est disponible sur la plateforme Crave. Il y aura une saison 2, la série Les Fourchettes, toujours disponible sur tout.tv. Merci également à l'équipe qui rend cette émission possible. Jean Lemieux à la technique, Caroline Duplessis à la recherche et Soumaya Arbaoui à la réalisation. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre épisode d'Acteurs de changement avec Zao de Sagazan. Vous cherchez les meilleurs livres audio cet été? Mille secrets, mille dangers d'Alain Farah. Lu par Manny Soleiman-Loup. Le plongeur de Stéphane Larue. Lu par Danny Boudreau. Prendre son souffle de Geneviève Janel. Lu par Karine Vanasse. Des best-sellers à écouter gratuitement sur Radio-Canada Audio. On regarde ça où, les Jeux olympiques? Sur ici-tout.tv, c'est gratuit. Gratuit. Tous les sports. Oui, en direct ou en rattrapage. Les Jeux olympiques de Paris 2024, vous savez où regarder. Téléchargez l'appli ici-tout.tv. Vous écoutez ici Radio-Canada Première au 90,7 à Ottawa et Gatineau. Du cœur aux idées. Bonsoir, ici Louis de Belleval. Voici les informations. C'est peut-être la fin pour les Snowbirds, ces avions emblématiques des forces canadiennes. Ottawa envisage de les mettre au rancard, tout comme d'autres équipements militaires jugés trop coûteux à entretenir. Voici Valérie Gamache. Ils survolent tous les grands événements au Canada depuis plus de 50 ans. L'escadron rouge-bleu-blanc des forces canadiennes est sans conteste le plus connu de l'arsenal militaire canadien. Mais l'armée pourrait devoir renoncer aux célèbres prouesses des Snowbirds et clouer leur appareil au sol. The Tudor plane is well past its utility. En entrevue à CBC, le ministre de la Défense Bill Blair affirme que leur durée de vie utile est dépassée et ne cache pas ses inquiétudes quant aux enjeux de sécurité que cela peut représenter. On m'assure que cette saison, on peut composer avec ces questions de sécurité. Mais les inquiétudes demeurent, ajoute le ministre. Le Tudor, l'appareil emblématique des Snowbirds, fait partie de la flotte de l'aviation royale canadienne depuis 1961. Malgré de nombreuses mises à jour au fil du temps, le nombre d'appareils pouvant voler est de plus en plus limité. L'heure des choix difficiles a donc sonné pour le ministre de la Défense. Il ne veut pas démanteler l'escadron des Snowbirds, mais il veut leur fournir de meilleurs appareils, dit-il. Il faut peut-être prendre exemple sur l'armée américaine, dont l'escadron de voltige utilise des appareils de combat qui peuvent être convertis en cas d'opération militaire, avance le ministre. La solution de remplacement devra être trouvée rapidement. Une dernière mise à jour sur les appareils leur permettra de voler jusqu'en 2030, soit 70 ans après leur baptême de l'air. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa. Soupir de soulagement pour certains propriétaires de chiens canadiens. Les États-Unis vont resserrer à compter du 1er août les exigences pour les animaux de compagnie qui entrent sur leur territoire, mais Ottawa a réussi à arracher quelques assouplissements à Washington. Diana Gonzalez a préparé ce qui suit. Ariane Desmarais et sa famille aiment profiter des fins de semaine estivales au Vermont avec leur chien Maya. Elle a multiplié les démarches pour se conformer aux nouvelles exigences américaines. Ça engendre certains frais supplémentaires aussi, c'est sûr, qui ne sont pas nécessairement négligeables. Puis en même temps, c'est pas toujours facile non plus d'avoir un rendez-vous avec le vétérinaire. Dès le 1er août, tous les chiens qui entrent aux États-Unis devront avoir au moins 6 mois, être vaccinés contre la rage et avoir une micropuce. Les propriétaires devront présenter certains documents, notamment signés par un vétérinaire. L'approbation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ne sera plus nécessaire, contrairement à ce qui avait été annoncé. La présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux, Evelyne Bouchard. Donc déjà, on vient de contourner un goulot d'étranglement à ce niveau-là pour les clients. Donc déjà, c'est un assouplissement bien reçu. Avec ces mesures, les États-Unis veulent protéger leur population contre la rage canine. Mais le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, fait valoir que le Canada n'est pas un pays à risque. Il espère que les Canadiens pourront bénéficier d'une période de grâce de quelques mois. Ce n'est pas une grande période de temps, mais pour moi, c'est vraiment important parce que le 1er août, c'est vraiment proche. Mais rien n'est encore confirmé. Les discussions se poursuivent avec les États-Unis. Ici Diana Gonzalez, Radio-Canada, Montréal. Aux États-Unis, de plus en plus d'élus démocrates demandent au président Joe Biden de se retirer de la course pour un deuxième mandat. Selon la chaîne de télévision ABC News, le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, aurait dit samedi au président qu'il serait préférable pour le pays et pour le parti qu'il arrête sa campagne de réélection. Le leader démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, aurait également exprimé un tel souhait. Plus tôt aujourd'hui, une figure de proue du parti, Adam Schiff, est devenu le 20e démocrate a demandé au président de passer le flambeau après sa performance désastreuse du 27 juin lors du débat avec Donald Trump. Par ailleurs, on a appris aujourd'hui que Joe Biden a été diagnostiqué avec la COVID-19, mais ses symptômes seraient légers. Et puis pendant ce temps, la convention républicaine se poursuit. Le nouveau colistier de Donald Trump, J.D. Vance, va livrer son discours d'acceptation comme candidat à la vice-présidence devant la foule réunie à Milwaukee, au Wisconsin. Comme l'explique la stratège en communication et directrice générale d'Edelman Montréal, Martine Saint-Victor, c'est une prise de parole fort attendue par les partisans républicains. Mike Pence n'avait pas eu ce genre d'engouement. Il n'y avait pas eu ce genre d'engouement à l'annonce de Mike Pence. Même à l'annonce de Kamala Harris, il n'y avait pas ce genre d'engouement. Ça veut dire qu'il y a une curiosité. Ce soir, c'est un premier rendez-vous. Il va devoir raconter son histoire. Et puis, ce n'est pas anodin qu'il vienne d'un milieu très modeste, parce que les Républicains utilisent souvent l'expression « pull yourself by the bootstraps ». C'est pour ça qu'ils disent ne comptez pas sur les programmes gouvernementaux, c'est à vous. Mmh. Vous avez toutes les opportunités aux États-Unis. Et c'est évidemment que ce soir, on va entendre la phrase « Only in America ». Alors, il y aura ce genre de patriotisme, de nationalisme. J.D. Vance entend aussi insister sur la nécessité de reporter Donald Trump au pouvoir en novembre. Et puis enfin, en France, le nouveau Front populaire a présenté son candidat pour la nouvelle présidence de l'Assemblée nationale. Il s'agit du député communiste André Chassaigne. C'est un premier choix pour la coalition de gauche qui ne trouve pas beaucoup de terrain d'entente cependant pour former un gouvernement, notamment pour choisir le premier ministre qui succédera à Gabriel Attal. C'était les informations. L'émission qui suit est une rediffusion. Bonjour, bon mercredi matin, c'est Evelyne Charrivet au micro. J'espère que vous allez bien ce matin. On a marché sur la Lune il y a 55 ans. Amoureux des archives, vous serez servis dans quelques instants. On va revivre les grands moments de l'alunissage. On a un nouveau duo à vous faire découvrir aujourd'hui. Les sciences dures rencontrent les sciences douces. C'est un échange entre la psychologue Nathalie Platte et le physicien médical, ingénieur biomédical Anthony Bertrand Grenier. Et ils ont décidé de s'entendre sur le sujet de la vérité d'un point de vue des sciences dures et